Señor. Seigneur, tu es grand. Ndio Bwana wewe ni mkubwa. On ne peut trouver les paroles conformes à cela. Hatuwezi pata maneno ya kufaa kwa hiyo. Tu es si grand. Wewe ni mkubwa zaidi. Tu pèses. Wewe una uzito. Et tu nous as convoqués pour parler de ça. Na umetualika ili utuzungumzie hii. Ah Seigneur. Cœur soupire après toi, Seigneur. Mioyo yetu za kuhitaji, Bwana. Mon âme a soif de Dieu. Nafsi yangu ya muhitaji Mungu. Je soif de toi, Seigneur. Nina kiu yako, Bwana. Mon âme te cherche. Nafsi yangu ya kutafuta. Mon âme te cherche. Nafsi yangu ya kutafuta. Je soif de toi. Nakiwe yako Bwana. Merci parce que tu désires te laisser trouver. Asante maana unahitaji tukupate. Tu es au rendez-vous. Uko hapa kwenye mkutano. Hallelujah. Amen. Viens Seigneur. Njoo Bwana. Et atteins un cœur ce soir. Na upate moyo. Viens au Dieu. Jo e Bwana. Et rencontre quelqu'un ce soir. Na ukutane mtu jioni ya leo. Viens Yahweh. Jo e Yahweh. Et enseigne-nous ce que tu es. Na utufundishe wewe ni nani. Enseigne-nous ce que tu aimes. Utufundishe ile unayoipenda. Enseigne-nous ce que tu désires. Utufundishe ile unayoitaji. Donne-nous accès à ton cœur. Utupatie kibali kwa moyo wako. Donne-nous accès à ton esprit. Utupatie kibali kwa roho yako. Cher Saint-Esprit. Roho Mtakatifu mpenzi. Prends tout contrôle en ces lieux. Wewe ukachukue mamlaka yote mali hapa. Que tout te soit soumis Jésus-Christ. Yote imekatishwe juu yako. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mbinguni na duniani na chini ya dunia. Tout est soumis. Yote inatiishwa. Et tout l'on confessera. Na yote kila Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ à la gloire de kwa Dieu le wa Mungu Baba. Tout genou fléchi kila goti ukunjwa en ces lieux mahali hapa. Tout genou fléchi kila goti linakunjwa dans cette ville en ce moment ya mti huma kwa wakati tout genou fléchi kila goti linakunjwa dans ce quartier ndani ya eneo hili. Tout genou fléchi kila goti linakunjwa dans chaque vie représentée ici ya kila uzima uliyo mahali hapa. Au nom de Jésus de Nazareth, jina la Yesu Kristo wa Nazareti, et que le Dieu de gloire Mungu wa utukufu fasse son entrée. Enda kaingie. Yahweh. Yahweh. Fais ton entrée. Wendo kaingie. Fais ton entrée. Wendo kaingie. Fais ton entrée. Wendo kaingie. Fais ton entrée. Wendo kaingie. Nous t'accueillons. Tunakupokea. Nous t'accueillons. Tunakupokea. Nous t'accueillons. Tunakupokea. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Les saluts, okovu, la gloire, utukufu, et la puissance, na utukufu, sont à notre na uwezo ni vya Mungu wetu. Alléluia. Alléluia. Les saluts, okovu, la gloire, utukufu, et la puissance, na uwezo, sont à notre ni vya Mungu wetu. Alléluia. Alléluia. Wokofu, la gloire, utukufu, et la puissance, na uwezo, so anote ni vya Mungu wetu. Aba shanta rozimu, erimo shanta, eva shaya kerebo shanta. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Utukufu kwako, utukufu kwako. À toi la gloire. Utukufu kwako. A toi la gloire. Utukufu kwako. A toi la gloire. Utukufu kwako. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. L'univers brise sa main, je sais. Chantons tous Seigneur. Asante Bwana. Tu es au rendez-vous. Uko mahali hapa. Avec tout ce que tu es. Pamoja na ile yote ulio. Je sens ton poids en ces lieux. Nasikia uzito wako mahali hapa. Tu es en ces lieux. Uko mahali hapa. Dans tout ton poids. Ndani ya uzito wako wote. Pour écraser ce qui a écrasé. Kwa ajili ya kuvunja kilichovunja. Pour relever ce qui a relevé. Kwa ajili ya kuinua kilichoshikinu. Pour étaler ce qui a étalé. Kwa ajili ya kuanika kilichochakwanika. Pour ramener celui que tu dois ramener. Kwa ajili ya kumrudisha ule ambao anapaswa rudishwa. Pour relever celui que tu veux élever. Kwa ajili ya kuinua ule ambao unahitaji kumuinua. Merci pour ta présence. Asante kwa ajili ya uwepo wako. Nous t'aimons Père. Tunakupenda Baba. Nous t'aimons Jésus. Tunakupenda Yesu. Nous t'aimons Saint-Esprit. Tunakupenda Roho Mtakatifu. Que la gloire revienne à toi. Utukufu ukurudilie. Vive au siècle des siècles. Milele na milele. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Tuketi mbele za Bwana. Alors hier nous avons introduit notre thème. Jana tulifanya kiingilio cha mada yetu. Mvutie Mungu. Et sa gloire dans ta vie. Na utukufu wake maishani mwako. Et au premier culte, nous avons partagé dans une certaine direction. Na kwa ibada ya kwanza tulikuwa tukizungumzia kwa ndani ya mwelekeo fulani. Partagé certains éléments de base. Tulikuwa tunazungumzia mambo fulani. Au deuxième culte, nous sommes allés dans une autre direction. Na kwa ibada ya pili tuliingia ndani ya mwelekeo fulani. Je voudrais encourager chacun de nous. Na ningependa nimtie moyo kila mmoja. Prendre les audios qui sont disponibles après le culte. Aenda kachukue maaudio ambayo iko tayari kwa ibada. Réécouter. Ili aenda kasikilize tena. Mais tu réécoutes avec l'esprit, avec ton cœur ouvert, avec ta disponibilité d'esprit et de cœur. Na uko nasikiliza pamoja na utayari wa moyo wako. Parce que la parole est esprit et vie. Sababu neno inakuwa roho na uzima. Plus tu t'exposes à la parole. Zaidi unakuwa mbele ya neno. Plus tu t'exposes à l'esprit de Dieu. Zaidi unakuwa mbele ya roho. Moins tu t'exposes à la parole. Unakuwa kidogo mbele ya neno. De plus en plus tu es éloigné de l'esprit de Dieu. Zaidi unakuwa mbali na roho wa Mungu. Et il y a pas de vie loin de l'esprit de Dieu. Na hakuna maisha mbali na roho wa Mungu. Le Dieu des cieux. Mungu wa mbingu. A décidé. Aliamua. De passer quelque temps avec toi. Apitishe muda kidogo pamoja na wewe. Et il appelle cela les grâces de son âme. Na naita hii neema isiyo na kipimo. Pourquoi devrais-je pas être là? Sababu gani sintapaswa kuwa hapo? Pourquoi devrais-je rater cela? Sababu gani nikose wakati kama na huu? Pourquoi devrais-je pas profiter au maximum? Sababu gani nisifaidie kwa ujumla? Pourquoi ne pas demander l'autorisation au travail? Sababu gani nisiombe ruhusa kwenye kazi? Pour qu'on me libère à temps. Ili waweze kuniruhusu mbele ya muda. Afin que je ne rate pas quelque chose. Ili nisiweze kukosa jambo fulani. Le Dieu des cieux est au rendez-vous. Mungu wa mbingu iko mahali hapa. Pour amener sa gloire dans la vie de quelqu'un. Et cette gloire contient toutes les solutions que tu cherches. Merci pour ta gloire ce soir. Asante kwa ajili ya utukufu wako jioni ya leo. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais partager sur la conscience du besoin de la gloire de Dieu. La conscience du besoin de la gloire de Dieu. Nous vivons dans un monde inconscient. Tunaishi ndani ya ulimwengu ambao unakosewa na dhamiri. Les uns sont inconscients dans la misère. Wamoja wanakosa dhamiri ndani ya mateso. Et les autres sont inconscients dans le lait. Wengine wanakosa dhamiri hata ndani ya maziwa. Vous rencontrez des personnes unawakutana watu qui sont vraiment dans la misère ambao wako katika ndani ya mateso hakika mais ils restent inconscients lakini wanabaki bila dhamiri. Ils passent tout leur temps wanapitisha muda wao wote à courir à gauche à droite pour essayer de survivre soto na kuume ili watafutishe kuishi et ils passent à côté de la plaque na wanapita pembeni ya njia. Mais vous trouvez aussi des lakini personnes unawakuta pia watu qui sont dans le lait ambao wako ndani ya maziwa. Ils vivent dans le lait. Wanaishi ndani ya maziwa. Mais inconscient. Lakini hawana dhamiri. Ils passent tout leur temps. Wanapitisha muda wao wote. À essayer de réfléchir et d'imaginer comment consommer le lait. Wakipima kufikiri na kutafakari namna gani kunywa maziwa. Kuna maziwa ya kutosha. Des beurs. Kuna maziwa ya kutosha. Des œufs. Kuna des mayai. Omelettes. Kuna yote ya kutosha. Ce sont des images. Inakuwa ni picha tu. Ta vie navigue dans le lait, dans les omelettes, dans les... Et tu es devenu inconscient. Maisha yako inaogelea ndani ya maziwa mayai. Tes réflexions lakini unakosiwa na dhamiri ya kufikiri. Sont beaucoup plus concentrées à comment terminer le lait. Comment consommer tout ça? Comment jouir de ceci et de cela? Mafikiri yako inaishia tu namna gani kukula ile yote inayokuwa pembeni yako. Tu es menacé na unashambuliwa par le lait. Na hiyo maziwa. Tu es menacé par les œufs. Unashambuliwa pamoja na hiyo mayai. Tu es menacé bref par le bien-être. Unashambuliwa na ile uzuri unao. Et le bien-être na ile uzuri t'as tellement noyé. Imekusamisha. Tu es devenu inconscient. Na umegeuka kukosewa na dhamiri. Pendant ce temps, celui qui manque de tout, kwa ile wakati anayekosewa na yote, son attention macho yake est concentré sur comment je vais survivre. Inatazamia nitaishi namna gani. Quel nouvel ami je vais aller consulter pour qu'il me donne 500 francs. Nitaenda muone rafiki gani. Afin qu'on mange aujourd'hui. Ili anipatie pesa za kikongomani 500 ni nikuleleo. Et tu passes ton temps à courir derrière ses amis, à courir derrière les possibilités de manger aujourd'hui. Na unakimbia kwa rafiki huko na kile ule tafute. C'est en fait de la misère aussi. Inaleta mateso. Mais ça te fait passer à côté de l'essentiel. Na inakupitisha pembeni ya iliyo ya maana. C'est comme ça vous voyez certaines personnes. Ndivyo hivyo mnaona watu wa moja. Il est vraiment dans cette situation. Hakika iko ndani ya hali kama hii. Au point qu'il n'a pas même le temps d'aller prier. Hata hana tena muda ya kwenda kuomba. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Sababu gani hukuja kwenye ibada? Tu vois, je devais trouver un murongo pour aujourd'hui. Ona ningepasa kutafutisha murongo kwa ajili ya siku ya leo. Ndio. Et tu as trouvé? Na ulipata murongo? Soit oui, soit non. Ndio ama hapana. Tu as consommé combien d'énergie? Ulitumia nguvu gani? Si on calcule les calories qu'il a consommé à aller à gauche et à droite. Wakianza kuhesabu nguvu aliyotumia kwa kwenda kushoto na kulia. Si on prenait ces calories. Na wangechukua nguvu hii. Et on venait les consommer devant le trône de Dieu. Na unakuja sasa unaitumia mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Peut-être qu'il aurait obtenu les solutions ultimes. Sasa mmoja ungepasa pata majibu ya maana. Les solutions durables. Majibu yanayodumu. Les solutions qui viennent du trône de Dieu. Majibu yanayotokea kwenye kiti cha Mungu. Celui qui t'a créé connaît ce que tu es. Ula aliyekuumba anajua wewe uko nani. Il sait de quoi tu es formé. Anajua unatengenezwa na nini. Et puis c'est pourquoi il t'a amené sur la terre. Na anajua sababu gani amekuleta duniani. Le besoin. Zamiri ya itaji ya utukufu wa Mungu. Lisons quelques textes. Tusome maandiko fulani. 1 Chronique chapitre 13. Mambo ya siku 13. Partie du premier verset. Kuanzia shairi lake la kwanza. Nous lisons ce qui suit. Tunasoma inayofuata. David, le roi David. Falme David tint conseil avec les chefs des mille, des milliers. Lisez avec moi. Lisez avec moi. Musome pamoja nami tafadhali. Allons-y ensemble. Tusome pamoja. 1 2 3. Moja mbili tatu. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël : si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, en voyant de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül. Sababu hatukulijali wakati wa Saul. Cette phrase m'attriste. Hii msemo inaniletea huzuni. Nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. Hatukujali na hilo sanduku la agano kwa wakati wa Saul. Saül a régné pendant près de 40 ans. Saul alitawala muda wa miaka 40. Nous ne nous sommes pas occupés de l'arche de Dieu. Lakini hatukujali na sanduku la agano la Depuis Mungu. Plus de 40 ans. Na ni zaidi ya miaka 40. Saül, tu es passé roi. Saulo ulikuwa mfalme. Lisez un peu ceci. Msomei. Dans l'expérience de Saül, dans 1 Samuel chapitre 10. Ndani ya maisha ya Saulo, ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza sura 10. Quelle beauté d'intronisation et de rencontre du pouvoir et de la gloire. Kushimikwa gani humaine. Ya msuri ya mfalme na kukutana na utukufu ya kianadamu. À partir du premier verset, regardez. Kuanzia, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage aujourd'hui? Siku ya leo. Et puis verset 6. Kisha shaili la sita. Le prophète lui dit, Nabia kamuambia. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Écoutez-moi très bien, frères. Saül est établi par Dieu. Et il expérimente l'onction. De Dieu. Na anaishi upako wa Mungu. L'huile est répandue sur ta sa tête. Mafuta na miminwa juu ya kichwa chake. Mais avant qu'il soit intronisé. Lakini mbele ashimikwe. Au temps de Samuel. Kwa wakati wa Samueli. Et du vieux Eli. Na mzee Eli. L'arche de Dieu a été prise. Sanduku la agano la Mungu lilichukuliwa na Wafilistini. Et l'arche de Dieu a fait 7 mois. Na sanduku la Mungu ikafanya miezi saba. Chez les Philistins. Kwa Wafilistini. Jusqu'au jour. Mpaka siku. Où ils ne pouvaient plus supporter le poids de Dieu chez eux. Ambao wangepasha tena kuvumilia uzito wa Mungu kwao. Le poids de Dieu. Uzito wa Mungu. Chez les incirconcis. Kwa wale wasiotahiriwa. Est terrible. Inakuwa hatari. Mais le poids de Dieu Lakini uzito wa Mungu, chez les enfants de Dieu kwa, qui craignent, qui veulent Dieu kwa watoto wa Mungu, est source de tout. Mungu inakuwa ni chemchemu ya yote. Et Saül s'est mis à prophétiser également. Na Saulo na yakaanza kutabiri. Au verset 11, kwa tout ce qu'il avait connu auparavant, wote walio mjua mbele, qu'il prophétisait avec les prophètes, akaona, wakaona na tabiri pamoja na manabii na walikuwa wakisema, l'un à l'autre parmi le peuple, moja na mwingine ndani ya taifa, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Imemufikia nini mwana wa Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Je, Saulo naye ni miongoni mwa manabii? Et quand vous allez plus bas, vous trouvez au verset 21 suivant. Unaposhuka chini kwa shaili la 21 na kuendelea. Les vieux le convoquent et l'intronisent. Na utaona kwamba wazee wanamuita na wanamshimika mbele ya taifa. Et Saül commence à régner quand vous lisez à partir des chapitres 11 et suivants. Unaposoma kuanzia sura ya 11 na kuendelea Saul anaanza kutawala. Vous trouvez des titres genre Saül vainqueur des Ammonites, Saül dépose et Samuel dépose et Samuel et Saül. Vous voyez Saül qui opère, il opère. Pendant 40 ans. Utaona Saulo ambaye anaanza kutumia ufalme wake muda wa miaka 40 na sanduku la agano la Mungu. A été prise. Ilichukuliwa. Elle a été ramenée. Na ikarudishwa. Par des vaches. Pamoja na ngombe. est déposée à Kiriat Yearim. Na ikawekwa kwa Kiriat Yearim. C'est tout. Na basi. Les gens de là, je crois, ils se sont arrangés pour, je ne sais pas s'ils avaient mis dans ça quelque part. Sijui watu wa huko walitia wapi. Et Saül est intronisé, il est devenu roi. Na Saulo akashimikwa akakuwa mfalme. Et il fait 40 ans. Na anafanya miaka 40 ou plus. Ama zaidi. Mais pendant son règne, lakini ndani ya utawala wake, vous constatez ceci. Unagundua hii. Il n'y a rien de consistant. Hakuna kitu kizito. Dans son comportement. Ndani ya mwenendo wake. Il prend des décisions bizarres. Anachukua maamuzi ambayo ni ya ovyo. Jusque vers la fin de sa vie. Hadi kwa mwisho wa maisha yake. Il fait égorger les prophètes. Anawachinja manabii. Et il va dans une ville. Anaenda ndani ya mji. Et il égorge les sacrificateurs. Na anawachinja makuhani wote. Avec leur famille. Pamoja na jamaa zao. Qu'est-ce qui t'arrive, Saul? Nini nakufikia Saulo? Jusqu'au jour où il meurt. Mpaka usiku atakapokufa. Dans le combat. Ndani kwenye vita. Et David prend le pouvoir. Na Daudi akachukua mamlaka. Au matin du pouvoir de David. Kwa asubuhi ya mamlaka ya Daudi. Il prend conscience. Anachukua zamiri. Il appelle les anciens. Anaita wazee. Il leur dit, mes amis. Anawaambia rafiki zangu. Depuis le temps de Saul. Tangu wakati wa Saulo. Nous ne nous sommes pas occupés. Hatukujali. De l'arche de Dieu. Juu ya sanduku la agano la Mungu. Regardez une chose. Tazama jambo moja. Saul. Saulo. Es-tu dans la misère? Je uko ndani ya mateso? Non. Hapana. Je suis dans le lait. Niko ndani ya maziwa. Le beurre et les œufs. Maziwa na mayai. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Saül? Lakini nini napitikana pamoja nawe Saulo? Le poids de Dieu. Uzito wa Mungu. N'est pas dans le pays. Haiko ndani ya nchi. Rappelez-vous, hier, nous avons dit pour ce qui était au deuxième culte, vous n'avez pas, on n'a pas partagé ça, je crois. Nous avons dit que la gloire est définie comme kabod. Tulisema ya kwamba, en hébreu, qui veut dire inasemeka ndani ya Kiebrania kabod inayomaanisha uzito. Le poids de l'essence de uzito, Dieu. Ya ile ambayo Mungu iko. Le poids de la nature, le poids de ce que Dieu est. Uzito wa asili ya Mungu, uzito ya ile ambayo Mungu iko. Mais en grec, doxa. Lakini ndani ya Kigiriki ni doxa. Qui veut dire le rayonnement. Ambao inamaanisha kungaa. De ce que Dieu est. Ya ile ambayo Mungu iko. La manifestation de ce que Dieu est. Ama ufunuo ama kuonekana ya ile ambayo Mungu iko. Lorsque tu méprises Dieu. Wakati unamdharau Mungu. Lorsque Dieu ne signifie rien dans ta vie. Wakati Mungu amaanishi kitu maishani mwako. Même lorsque tu es en train de jouir de ses propres bienfaits de ce Dieu. Hata wakati unafaidia mema ya ule ule Mungu. Sache. Ujue que son poids, ya kwamba uzito wake, sa gloire, utukufu wake, ne sera pas dans ta vie. Haitakuwa maishani mwako. Et tout peut arriver. Na yote naweza kufika. Il est écrit. Imeandikwa. J'honore celui qui m'honore. Na muheshimu anayeniheshimisha. Mais ceux qui me méprisent. Lakini wanaonizarau. Seront méprisés. Watasaurauliwa. Un jour Saül. Siku moja Saulo. Dans cette folie. Ndani ya upumbavu wake. Et que les malheurs ont commencé à se manifester. Na mateso ikaanza kuonekana. Faute du poids de Dieu dans sa vie et dans le pays. Sababu ya ukosefu wa uzito. Saül se retrouve. Saulo anajikuta. En train d'aller chercher le vieux Samuel. Akenda kumutafuta mzee Samuel. Qui est déjà mort. Ambaye ameshakufa tayari. Et il se déguise. Na anajifanya mtu mwingine. Chez une voyante. Kwenye muonaje mama muonaje. Comme un homme vulgaire. Kama vile mtu kawaida tu. Et puis il dit à cette femme. Na kisa naambia huyu mwanamke. Fais-moi sortir Samuel. Uniletee Samuel. Et c'est alors que la femme se rend compte. Na ni hapo ndipo mwanamke anagundua. C'est le roi. Ya kwamba ni mfalme. Tu m'as trompé. Umenidanganya. C'est toi le roi. Wewe ndiwe mfalme. Parce que sababu Samuel revient. Samuel anarudi. Et il lui dit. Na anamwambia. Dans cette machine que la femme était en train d'utiliser. Ndani ya hii mashine mwanamke alikuwa akitumia. Il lui dit. Anamwambia. Tu n'avais rien compris depuis le départ. Haukuelewa kitu tangu mwanzo. Et ce que je t'avais dit quand j'étais encore vivant va t'arriver. Itakufikia. Tu mourras. Utakufa. Saül, tu cherches quoi? Saulo, unatafuta nini? Je suis cuit. Nimelunguzwa kabisa. Je suis au bout. Niko kwa mwisho. Maintenant, je pense à Dieu. Sasa naanza kumfikiria Mungu. Hier, je pense au beefsteak. Jana nilikuwa nafikiria tu mazuri. Hier, je pense à comment je peux suffisamment consommer de bien-être. Jana nilikuwa nikifikiria namna gani naweza kutumia mazuri ya dunia. Mais le bien-être commence à me passer dans les nœuds. Na sasa yale mazuri yote niliyokula naanza kunitokea ndani ya mapua. Et tout ce bonheur que j'avais humain et mondain. Na ile heri yote niliyokuwa nayo. Je ne le supporte plus. Si la vie est devenue noire et rouge. Maisha, ou tout ce que vous voulez. Kama ni nyeusi, il faut kama ni que quelque chose se passe. Na inaomba kitu kipitikane. Il faut que je cherche Dieu. Inaomba ni mtafute Mungu. Tu dis quoi, Saül? Unasema nini, Saulo? Je vais chercher Dieu. Nahitaji ni mtafute Mungu. Tu vas chercher Dieu où? Utamtafuta Mungu wapi? Chez une voyante. Kwenye mama muonaji mulaguzi. Chez une sorcière. Kwenye kwa nyumba ya mchawi. Beaucoup sont allés chez des féticheurs, chez des sorciers, chez des choses. Wengi walienda kwa wachawi, wafumu. Parce que tu as compris que le poste que tu occupes sababu umegundua ya kwamba a besoin cheo unayokuwa nayo d'un poids. Inahitaji uzito. Dans ton esprit, na ndani ya kiyako, le poids que tu cherches uzito unaoitafuta c'est en fait l'Éternel. Inakuwa ni Mungu. Mais tu fais comme Saül. Lakini unafanya kama Saulo. Tu vas chercher ce poids-là. Unaenda tafuta uzito huo. Chez un féticheur. Kwa mfumo. Et il te donne quelques hirizi. Na nakupatia hirizi. Que tu vas mettre dans tes tiroirs. Ambao utaweka ndani ya kabati zako. Et il te donne quelques consignes. Anakupatia maarifa fulani. Il faut entrer dans ton bureau à reculons. Inaomba uingie ndani ya ofisi yako kirudi kinyuma nyuma. Tu es allé chercher quoi chez le féticheur? Unaenda tafuta nini kwa mfumo? Je cherchais un poids. Nilikuwa natafuta uzito. Mais ce genre de poids, on ne cherche pas chez les féticheurs. Hawa itafutake kwa mfumu. Tu vas tirer là-bas les jugements. Utaleta uko hukumu. Et la colère de Dieu. Na hasira ya Mungu. Il est possible qu'hier, yawezekana jana, ce poste tu l'as cherché chez Dieu. Ii cheo ulikuwa unaitafuta kwa Mungu. Et il te l'a donné. Na kakupatia na. Maintenant, pour avoir le poids dans ce poste, sasa ili upate uzito ndani ya tu vas recourir au féticheur. Unaenda kimbilia sasa pour kwa qu'il te donne le poids ili akupatie uzito du poste que Dieu t'a donné. Ya kazi ambao Mungu yeye mwenyewe amekupatia. Confusion, malheur et misère dans la tête. Uchanganyiko ole na mateso ndani ya kichwa chako. Et voilà. Natazama. David prend le pouvoir. Daudi anachukua mamlaka. Et il demande conseil. Na naomba shauri. Il faut convoquer tous les peuples. Inaomba kuita taifa nzima. Toutes les couches de la société. Waite watu wote ndani. Les Lévites. Waite les Walawi. Les sacrificateurs. Waite manabii. Les anciens. Waite tout le monde. Makuhani wazee na watu wote. Il faut que nous puissions aller chercher. Inaomba twende tukatafute. Ce qui faisait la force d'Israël. Il ambao ilikuwa inafanya nguvu ya Israeli. Dans 2 Timothée 3:5 il est écrit. Ndani ya Timotheo wa pili tatu. Ils ont aimé l'apparence de la piété. Biblia inasema wamependa kuonekana kwa kumcha Mungu. Ce qui en fait la force. Lakini wakikataa inayofanya nguvu yake. Ce qui fait le poids de ça. Wakikataa inayofanya nguvu yake. Qu'est-ce qui fait le poids dans ta vie? Nini inayofanya uzito maisha yako? C'est ton oncle? Ni mchumba wako? C'est ton grand frère? Je ni mkubwa wako? C'est le ministre de votre famille? Je ni waziri wa jamaa yenu? Qu'est-ce qui fait le poids dans ta vie? Nini nayofanya uzito maishani mwako? Et jusque combien de temps? Na ni mpaka wakati gani? Si tu ne prends pas conscience. Kama utukuizamini. Comme Saül. Kama vile Saulo. 2 ans vont passer. Miaka 2 itapita. 20 ans vont passer. Miaka 20 itapita. 40 ans vont passer. Miaka 40 itapita. Jusqu'à ce que mpaka wakati on va t'enterrer. Watakuzika. La conscience Zamiri de la gloire de Dieu ya utukufu wa Mungu attire Dieu umvutie Mungu et sa gloire na utukufu wake. Saül Saulo attire Dieu. Je una Mungu? Si on vient chez Saül wakikuja kwa Saul lui pose la question est-ce que tu as Dieu? Je uko na Mungu? Il va dire sans même ouvrir la bouche j'ai Dieu. Atasema hata bila kufungua kinywa ya kwamba nina Mungu. Il va rappeler les expériences avec la montagne, le haut lieu avec Samuel et j'ai mangé le kilali ce jour-là. Atakumbusha mambo aliyoyaishi kwenye mlima pamoja na Samuel wakati Samuel alipomfikia akampatia kilali. Botia la video ayoka nena zaiko prophétiser. Atawaambia muweke tu video utazame namna gani nilikuwa ninatabiri. Mais Dieu, lakini Mungu est avec toi. Et sa gloire est absente. Mungu iko pamoja na wewe lakini utukufu wake hauko. So poids n'est pas là. Uzito wake hauko. Beaucoup de gens quand on leur dit frère, tourne-toi au Seigneur. Watu wengi unapowaambia ndugu mgeukie Bwana. Et comme il est un peu prospère financièrement. Na jinsi anaendelea kiuchumi. La réponse générale c'est majibu ya kawaida ni j'ai Dieu. Si nina Mungu. Quelle est la preuve? Nini kitambulisho? Monsieur, tu as vu la voiture avec laquelle je suis venu? Sumona gari ambayo nimekuja nayo. Oui, tu as Dieu. Ndio una Mungu. Comment tu l'as eu? Namna gani ulipata? J'avais prié ou le pasteur a prié pour moi. Si niliomba, si mchungaji aliniombea na kisha nikapata. Mais regarde ma village. Suangalie nyumba yangu. Mais regarde mon compte à banque. Suangalie account yangu kwenye benki. Tu as le lait. Una maziwa. Tu as les œufs. Una mayai. Mais tu n'as pas ce qui en fait le poids. Lakini hauna inayofanya uzito wake. C'est comme ça si l'ennemi décide de te balayer. Na ndio maana adui tu akiamua kukufagia. Comme tu n'as pas le poids. Jinsi huna uzito. De ce que tu crois avoir. Ya ila ambao naamini kuwa nayo. L'ennemi va te balayer. Aha, adui atakufagia. Il va te balayer. Atakufagia. David dit, Daudi anasema, depuis le temps de Saül, tangu wakati wa Saulo, nous ne nous sommes pas occupés hatukujali de l'arche de Dieu. Juu ya sanduku la agano la Mungu. On s'est pas occupé. Hatukujali. Pour toi, ça fait combien de temps? Kwako, imefanya muda gani? Tu t'en es pas occupé. Ambao haukujali. Tu vas me dire, mais pasteur, je viens à l'église tous les jours, je suis à la moquette, je suis tu as beaucoup de réponses. Una majibu mengu, mais depuis que tu as toutes ces réponses là, na tangu na majibu hayo yote, où est le poids de Dieu dans ta vie? Uzito wa Mungu uko wapi maishani mwako? Comment Dieu pèse avec toi? Namna gani Mungu ana uzito pamoja na wewe? Est-ce que Dieu pèse? Je Mungu ana uzito? Dans ta vie? Ndani ya maisha yako? Est-ce qu'il y a des tempêtes qui te balancent si facilement? Je kuna mawimbi ambayo yanakuyumbisha? Pourquoi ces tempêtes réussissent? Kwa rahisi. Parce qu'il y a pas de poids justement. Sababu gani mawimbi hayo yanafaulu? Sababu hakuna uzito. Il est écrit tu as été pesé. Imandiko, et tu as été trouvé léger. Imandiko umepimwa na umeonekana kuwa mwepesi zaidi. Pourquoi tu es léger? Sababu gani uko mwepesi? Celui qui ferait le poids. Sababu ule ambaye angepasha kufanya uzito wako haiko ndani. Il n'est pas dedans. Haiko ndani. La gloire. Utukufu. De Dieu. Utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Hey, amen. La conscience. Zamiri. Du besoin. Yahitaji. De la gloire. Ya utukufu wa Mungu. La gloire regardée comme doxa. Utukufu ambao unatazamika kama doxa. Peut distraire quelqu'un. Inaweza kumzubalisha mtu. La gloire est dans ta vie, oui. Utukufu iko machani mwako. Je me suis marié le samedi. Si nilifunga ndoa siku ya sita. Si nimepata bwana. Je ile mari. Mungu ananijua. Dieu me connaît. Ananileteaka vitu. Et il m'amène les choses. Mais la gloire comprise comme kabod. Lakini utukufu nayo eleweka kama kabod. Tu en as besoin. Unaihitaji. Tu en as besoin. Unaihitaji. Certaines prières consistent à dire Seigneur, montre-moi ta gloire. Le célibat a beaucoup duré. Si je me marie, je serai dans la dignité. C'est-à-dire, il y aura le rayonnement de ce que Dieu est capable de faire. Mais au plan spirituel, au plan invisible, tu peux obtenir beaucoup de bénéfices matériels, et je veux dire manifestes, visibles, extérieurs, quelquefois palpable. Mais tu n'as pas le poids invisible. C'est ce poids invisible du Dieu des cieux, celui qu'on appelle Je suis, et qui a dit à Moïse, va dire aux anciens, celui qu'on appelle Je suis est venu te voir et t'envoie pour les libérer. Pourquoi Moïse tu poses cette question? Quand je veux voir les anciens, je vais leur dire qui m'envoie. Parce que les anciens connaissent le poids de Pharaon. Il faut un contrepoids. Si je leur dis que c'est moi Moïse qui ai pris conscience de vous libérer, les anciens ne voudront pas entendre ça. Déjà, même quand Moïse est allé chez le Pharaon et que les choses n'ont pas marché au premier moment, les anciens ont dit à Moïse, tu vois les malheurs que tu nous cherches. Tu as prétendu que celui qui t'envoie avait du poids. Mais regarde ce qui nous arrive. On a multiplié nos malheurs. Et les anciens disent à Moïse que Dieu te regarde et qu'il juge. Le Dieu dont les anciens parlent ici, c'est le Dieu Kabod. Que le vrai que nous attendons depuis des siècles regarde ton aventure et qu'il juge. Tu es venu faire l'aventure avec notre vie ici. Moïse retourne chez Dieu. Musa anarudi kwa Mungu. Et il dit à Dieu, na namwambia Mungu, pourquoi tu m'as envoyé? Sababu gani umenituma? On va me lapider. Si watanipiga mawe. Depuis que je suis parti chez Pharaon, tangu nilipoenda kwa Farao, il n'écoute pas. Hasikilize. Et puis il multiplie les malheurs pour ton peuple. Ils vont me lapider. Écoutez la réponse de Dieu. Sikiliza sasa jibu ya Mungu. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, tu verras maintenant utaona sasa ce que je vais faire ile nitakayoifanya à Pharaon. Nitakayomfanyia Pharaon. J'imagine Dieu naona Mungu rassembler son poids. Akianza kukusanyisha sasa uzito wake. Hallelujah. Hey, amen. Il Alléluia. Fallait d'abord que tu te rends compte que ce n'est pas toi. Il y a kwanza ugundue ya kwamba iko wewe. Si tout marchait tout de suite. Kama mambo ingeendeka hapo hapo. On allait commencer à adorer Moïse. Wangeanza kumwabudu Musa. On allait dire, wow, grand Moïse. Wangeanza kusema Musa mkubwa. Ya mukolo. Hey, mkubwa. Et Moïse est humilié. Na Musa kajishusha. Il reconnaît que c'est pas mon poids. Anatambua ya kwamba si uzito wake. C'est son poids. Lakini ni uzito wa Mungu. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, tu verras maintenant. Utaona sasa. Ce que je vais faire avec. Ile nitakayofanya pamoja nawe. Par une main forte. Kupitia mkono wenye nguvu. Regardez, une main forte. Tazama. Sari, par une main qui pèse. Ni kusema kupitia mkono nayo uzito. Par des interventions lourdes. Ni kusema kupitia matendo ya kilo. Il va laisser partir le peuple. Ata acha taifa langu liende. Par des interventions terribles. Kupitia matendo ya hatari. Pharaon va lâcher. Ata achilia. Et puis Pharaon repart. Na kisha Pharaon. Et le miracle commence. Miujiza zinaanza sasa. Et les plaies commencent. Na mapigo yanaanza. Jusqu'au dixième plaie. Hadi kwenye mpigo ya kumi. Et Pharaon dit. Na Farao anasema. Appelez Moïse vite vite. Mwite Musa haraka. Allez Moïse. Musa. Tu prends tout. Unachukua yote. Et vos femmes. Na wanawake wenu. Et vos enfants. Et vos watoto wenu. Et vos nyama zenu. Allez, partez. Na mambo yenu yote mwende. Pas demain, maintenant. Abana.